comblé. Tu as comblé tous mes vides. J'pourrais t'offrir, t'offrir tous mes plus beaux disques. J'ferais la guerre dans la rue, juste pour la paix dans tes bras. Et si tu tombes, n'oublie pas que papa te relèvera. J'ferais la guerre dans la rue, juste pour la paix dans tes bras. Et si tu tombes, n'oublie pas que papa te relèvera. Je t'offrirai mes plus belles victoires. Je livrerai mes plus grandes batailles. Je t'offrirai mes plus belles victoires. Je livrerai mes plus grandes batailles pour toi. Avec toi je conjugue le bonheur au présent. Perdu dans tes yeux, j'oublie la pression. Et quand je pars, je ne pense qu'à rejoindre la maison. Je t'offrirai mes plus belles victoires. Je livrerai mes plus grandes batailles. Je t'offrirai